بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، آمين. وبعد، nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, nos cours de fiqh basés sur ce livre, Manhaj al-Salikin, écrit par l'imam Sa'di, Rahimahullah Ta'ala. Et nous avions commencé la semaine dernière le chapitre Babu ma yujibul ghusl wa sifatuhu. Ce qui est obligatoire, ce qui rend obligatoire le ghusl, hein, le grand lavage, et également la description du grand lavage, hein. Et on a expliqué, on avait dit que le grand lavage wayajib al-ghusl min al-janaba wa hiya inzal al-mani bi wat'in aw ghayrihi. Donc on a dit la première chose qui rend obligatoire le ghusl, c'est l'état de janaba, de grande impureté. Et ceci représente quoi? Le fait que le mani, le sperme, sort, hein, des parties, hein, de l'homme ou de la femme, que ça soit dû au rapport intime entre l'homme et son épouse ou autre que cela, comme on avait dit par exemple celui qui rêve, hein, qui rêve, ou celui, hein, qui a recours à la masturbation, malgré le fait que ceci est interdit en islam, comme on avait clarifié. Malgré ceci, si le mani, si le sperme sort, il doit obligatoirement faire le ghusl. On avait détaillé cela en détail. Ou biltiqa'il khitanayn, ou alors le ghusl est obligatoire, le grand lavage obligatoire, si les deux circoncisions, hein, se rencontrent, hein. Donc si il y a un rapport entre l'homme et son épouse, hein, même si le mani, le sperme ne sort pas, hein, le ghusl est obligatoire du moment où les deux, hein, les deux circoncisions, et vous comprenez à quoi cela fait allusion, hein, se rencontrent. Et on s'était arrêté là. On continue, Inch'Allah. Wa khuruju dammil hayd wa nifas. Et le fait, hein, que le sang des règles ou des menstrues, hein, ou le sang des lochis, et les lochis, c'est le sang qui sort après, après avoir donné naissance, hein, à un enfant, la femme, elle a du sang qui sort pendant une quarantaine de jours. On appelle ça en français les louchis, el nifas en arabe, hein. Donc bien sûr, ça c'est spécifique à qui? Aux femmes. C'est spécifique aux femmes, hein. Donc si les femmes, il y a le sang, hein, des menstrues ou des règles, ou le sang des louchis qui sort, hein, ceci rend obligatoire quoi? Le rousse, le grand lavage. Ay al mar'a al ha'id idha tahurat يجب عليها أن تغتسل والنفاس كذلك وبالاتفاق. C'est ce qu'on vient de dire. La femme, hein, qui est en état de menstrue et qui devient pure, hein, et qui devient pure, alors il lui est obligatoire de quoi? De faire le ghusl, de faire le grand lavage. Et également la femme qui devient pure des nifas, c'est-à-dire des lochis. Et ça, selon le consensus des savants. Selon le consensus des savants de l'islam sur le sujet. Wa mawtu ghayli shahid, hein, également la mort. La mort rend obligatoire le ghusl. N'est-ce pas qu'il est obligatoire de laver le mort lorsqu'il décède? Ni de faire le ghusl. Bien sûr, hein, le mort lui-même ne peut pas, hein, faire le ghusl, mais, hein, c'est le ghasil, c'est le laveur qui lui fait le ghusl. Excepté qui? Al-shahid. Al-Shahid, c'est qui? Le martyr. Hein? وهذا أيضا بالاتفاق. والشهيد لا يرسل. Ça également, c'est selon le consensus des savants, qu'il est obligatoire de laver le mort. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, lorsqu'un homme est mort, il a dit quoi aux sahaba? Hein? Irsilu sahibakum. Lavez votre compagnon. Également, lorsque sa fille Zainab radiallahu anha est décédée, il a ordonné aux femmes de la laver 3 fois, 5 fois ou 7 fois, et on va voir ça en détail dans le chapitre concernant Al-Janaza, Inch'Allah. Sauf le shahid, sauf le martyr, celui qui meurt, hein, fi sabilillah, sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et ça également, il y a un chapitre, hein, sur le sujet, on verra en détail, hein, le shahid, on ne lave pas, on l'enterre directement sans le laver. وإسلام الكافر وإسلام الكافر, c'est-à-dire, hein, lorsque le mécréant, hein, se convertit à l'islam. Ici, l'auteur du livre nous dit que le mécréant, lorsqu'il se convertit à l'islam, lorsqu'il devient musulman, hein, il est obligatoire de faire le rousl. واختلف العلماء على هذا, mais les savants de l'islam ont divergé sur ce sujet. طائفة ترى الوجوب وطائفة ترى الاستحباب. Il y a un groupe de savants qui dit c'est obligatoire. Celui qui se convertit, il doit obligatoirement faire le rousl, le grand lavage. Un autre groupe de savants dit c'est seulement recommandé. Il n'est pas obligatoire, il est seulement recommandé. On va voir le détail de chaque avis et mentionner l'avis le plus sûr, Inch'Allah. والذي يرى بالوجوب يستدل بحديث ثمامة في الصحيحين وهو ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة. Donc ceux qui disent que c'est obligatoire, ils se basent sur quoi? Sur un hadith présent dans le Bukhari et Muslim. Et il est connu sous le nom de le hadith de ثمامة. C'est qui ثمامة? ثمامة ابن أثال, hein, c'était le chef, hein, des gens de Al-Yamama, hein, vers le Najd. C'est où le Najd? C'est la région actuelle de Riyad, hein, la capitale de l'Arabie Saoudite. Cette région on appelle le Najd. Donc ici, là-bas, il y a une région qui s'appelle Al-Yamama, hein, et il y a un homme, le chef de cette tribu, qui s'appelait Thumama. Wajaa riwaya عند عبد الرزاق في المصنف. Et également, le hadith est rapporté dans le Musannaf de Abd al-Razzaq. Abd al-Razzaq, hein, fait partie des premiers imams, hein, des pieux prédécesseurs, à avoir compilé des hadiths et des athars dans son fameux livre qu'on appelle Al-Musannaf. Al-Musannaf, hein, qui est une référence, hein, dans la librairie islamique. لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال له اغتسل وفي بعض الروايات في الصحيح ونفسه ذهب واغتسل. Pourquoi on va raconter l'histoire de Thumama, mais pourquoi les savants qui disent qu'il est obligatoire, ils utilisent ce hadith? Parce que justement, dans une des versions du hadith rapporté par l'imam Abd al-Razzaq, hein, al-San'ani, lorsque Thumama il s'est converti à l'islam, hein, le prophète, dans cette version d'Abd al-Razzaq, l'a ordonné, va te laver. Il va faire le grand rousl. Mais dans Sahihayn, dans le Bukhari Muslim, il est mentionné que c'est lui-même qui a été se laver. D'accord? Thumama rajulun min Najd. Qaddama as-sahaba bihi al-Madina. Farabatuhu bisariyat al-Masjid. Donc on a dit Thumama, il venait d'où? Du Najd, de la région de Riyad, de l'Yamam. Les Sahaba l'ont capturé et l'ont ramené à Médine. Et ils l'ont attaché à un poteau de la mosquée. Voyez, déjà ici on retire quoi comme enseignement? Qu'est-ce qu'on peut tirer ici comme faïda de ce passage juste ici? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Hein? Comment? Non, il l'a attaché au poteau. Là, il l'a pris, il l'a attaché au poteau pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'on retient de ça? Qu'est-ce qu'on peut retirer? Hein, les savants, dans chaque phrase du hadith, ils vont te retirer, hein, ils vont te retirer des enseignements. Rappelez-vous ce qu'on avait dit sur le hadith de Abu Umair. Hein, le hadith, hein, de ce jeune garçon, Abu Umair, lorsque son oiseau est mort, son petit oiseau est mort. Le prophète lui a dit, « Ya Abu Umair, ma fa'ala an-nurayr. » L'imam Shafi'i, il a rapporté plus de 1000 enseignements dans ce hadith. Et là, qu'est-ce qu'on retire du fait que les compagnons l'ont amené, l'ont mis dans la mosquée, l'ont attaché à un poteau? C'est pour faire marcher votre compréhension, pour faire travailler les ménages, comme on dit. Personne sait? Quand on dit, les sahaba ont capturé cet homme qui est kafir. Hein, c'est pas un musulman. Ils l'ont amené à la mosquée, et ils l'ont mis dans la mosquée, ils l'ont attaché à un poteau. Pour l'instant, on s'arrête ici. Qu'est-ce qu'on retire de ce hadith? Au poteau, qu'est-ce qu'on retire de cette première partie du hadith? Qu'il est permis d'attacher. Non, ils veulent l'obliger à réfléchir sur justement l'islam. Là, vous essayez de comprendre le récit. Moi, ce que je veux que vous me dites, c'est quel jugement peut-on retirer dans ça? C'est permis d'attacher. C'est presque ça. C'est la permission qu'un mécréant rentre dans la mosquée. La permission. Hein, les savants qui disent qu'il est permis que les mécréants rentrent à la mosquée, ils utilisent ce hadith. Si les mécréants étaient impurs et ne pouvaient pas rentrer à la mosquée, ils ne l'auraient pas mis dans la mosquée. Donc parmi les preuves de ceux qui disent que l'impureté des mécréants, ce n'est pas une impureté corporelle, mais c'est une impureté yani, au sens figuré, hein, l'impureté du shirk et du kouf, hein, cependant il est permis qu'ils rentrent à la mosquée. Hein? Si un jour un non-musulman veut rentrer à la mosquée, vous voyez des ignorants parmi les musulmans? Non, ils ne rentrent pas. C'est pas un musulman, il est pas pur, il doit sortir. Alors qu'il vient pour justement entendre la parole d'Allah, peut-être se convertir. Et là, on voit la preuve qu'il est permis qu'un mécréant rentre dans la mosquée. C'était juste une aparté pour essayer de faire marcher un peu nos cerveaux. فَكَانَ يَمُرُّ عَلَيْهِ وَيَقُولُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَ فَقَالَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ أي أَشْكُرُ لَكَ وَإِنْ تُرِيدَ الْمَالَ أَعْتَيْتُكَ وَإِنْ تَقْتُلْ فَتَقْتُلْ ذَا دَمٍ. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait devant lui et lui disait, qu'est-ce que tu as, ya Thumama? Ou qu'est-ce que tu as à dire, ya Thumama? Alors Thumama, imaginez-vous, il est attaché au poteau, kafir, et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu me fais des faveurs, alors tu auras fait des faveurs à quelqu'un de reconnaissant. Yanni, je te remercierai pour cela. Si tu veux de l'argent, alors je te donnerai. Si tu veux des biens, alors je te le donnerai. Mais si tu me tues, alors tu as tué quelqu'un, hein, yanni, ici, the damin, yanni, qui a, yanni, quelqu'un qui a du sang, dans le sens, quelqu'un de noble. Quelqu'un que, si tu tues, sa tribu va venir et va vous exterminer. Vous comprenez? فَتَرَكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ بِالطَّعَامُ وَالشَّرَابُ فَجَاءَ الْيَوْمَ الثَّانِي مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَ فَالْيَوْمَ الثَّانِي خَفَّفَ قَلْ نَفْسَ الْكَلَامِ بِدُونِ إِنْ تَقْتُلْ أَنْ تَقْتُلُ ذَا دَامٍ. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم l'a laissé, mais ils l'ont honoré, ils l'ont donné de la nourriture, ils l'ont donné de la boisson, hein, et ils l'ont bien traité. C'est un prisonnier. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant lui, il lui a dit la même chose. Qu'est-ce que tu dis, ya Thumama? Alors le deuxième jour, il a un peu, hein, comme on dit, il a un peu baissé de régime, hein, il a été plus doux. Il a dit la même parole, sauf qu'il n'a pas dit si tu me tues, tu tueras quelqu'un de noble, etc. et on va vous exterminer. Il n'a pas dit cette parole. Juste, si tu me fais des faveurs, tu auras fait des faveurs à quelqu'un de reconnaissant. Si tu veux de l'argent, je te donnerai de l'argent. فجاء اليوم الثالث قال ما عندك يا ثمامة فقال نفس الكلام فقال أطلقوه ما يريد منه شيء فأطلقوه وذهب واغتسل ورجع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Le troisième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la même chose. Qu'est-ce que tu dis, ya Thumama? Alors il a répondu la même parole. qu'il avait répondu le deuxième jour. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, libérez-le. Libérez-le, il ne veut rien de lui. Libérez-le. Alors ils ont détaché Thumama. Thumama est sorti de la mosquée et est parti se laver. Est parti se laver. Hein, comme ça, c'est mentionné dans Sahihayn, dans Al-Bukhari au Muslim. Ensuite, il est revenu, il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Dans certaines versions du hadith, il mentionne que Thumama a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus détestée à ses yeux avant cela. Et ensuite, il est devenu la personne la plus aimée à ses yeux, sallallahu alayhi wa sallam. Dû à quoi? Dû au comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons lui ont montré. Al-Shahid, ce qu'on veut voir ici, c'est qu'il s'est lavé. Là, on revient, on est dans quel sujet là? On est dans le sujet, est-ce que le kafir qui se convertit, il doit se laver? Donc là, hein, il a été se laver. Wa fi riwaya inda Abd al-Razzaq, qala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, irtasil. Ja'al amr bil-irtisal. Et ce qui a fait dire aux savants que c'est obligatoire, c'est que dans la version qui est présente dans le Moussannaf d'Abd al-Razzaq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné, dit, va te laver. Hein, quand il s'est converti, va te laver. Va faire le grand roussel. Donc ils ont dit, ça montre le caractère obligatoire, d'accord? Vous comprenez? Certains, قال بعض العلماء أن الرواية لا تصح هي شاذة تخالف ما تصح وقال الشافعي قال الشافعية كثير من الصحابة أسلموا وما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل والثمامة والذي اغتسل. Mais ceux qui vont dire que non, c'est pas obligatoire, c'est seulement recommandé. Qu'est-ce qu'ils font avec ce hadith? Il est important de comprendre comment les savants réfléchissent et ils travaillent la science qu'ils ont. Ceux qui disent qu'il n'est pas obligatoire mais seulement recommandé, et ça c'est la parole des Shafi'iyya, de ceux qui suivent le madhab de l'imam al-Shafi'i, qui est mort en 204, Ahsantoum, 204. Ils ont dit cette version qui est chez Abd al-Razzaq, elle n'est pas authentique, elle contredit la version authentique, on ne peut pas la prendre. Et ils ont dit, c'est lui-même qui a été se laver, c'est pas le prophète qui lui a ordonné. Et ils disent que beaucoup de sahaba se sont convertis et le prophète leur a pas ordonné de se laver. C'est comme ça qu'ils disent, c'est seulement recommandé, pas obligatoire. Ça c'est important mes frères de connaître ce sujet. Wallah, c'est très important. Pourquoi? Demain quelqu'un vient frapper chez toi. Il dit, je veux me convertir. Il lui dit, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Il dit, Taïb, tu le fais laver ou pas? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui doit se laver ou pas? Tu dois connaître le jugement, tu dois savoir. Hein? فالقول بوجوب الغسل الذي أسلم هو الأحوط لأن صحها شيخ الألباني الرواية عند عبد الرزاق وجاء كذلك حديث قيس ابن عاصم. وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للواحد وأمر الكل. Mais ce qui apparaît être le plus sûr et le plus juste, c'est que c'est obligatoire de se laver le ghusl. Pourquoi? Parce que déjà la version qui est chez Abd al-Razzaq, où le prophète l'a ordonné de se laver, l'imam al-Allama Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, le savant du hadith à notre époque, l'a rendu authentique. Également, il y a un autre hadith Qays ibn Asim. أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. Pourquoi aussi on dit ça? Parce qu'il y a un autre hadith. Un hadith de Qays ibn Asim qui a mentionné que lorsqu'il s'est converti, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم l'a ordonné de se laver avec de l'eau et du cidre. Le cidre, c'est un arbre. Le cidre, c'est un arbre qu'on appelle le jujubier. Le jujubier. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, authentifié par Sheikh al-Albani. Donc, dans les règles du fiqh, dans les fondements du fiqh, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une personne vaut pour toutes les autres personnes. Donc s'il a ordonné à lui de faire le rousse, il ordonne aussi aux autres de faire le rousse. Al-Khurasa, ya ikhwa, pour résumer, ce qui paraît être le plus juste Et le plus sûr, c'est que celui qui se convertit, il doit faire le rousl. Il doit faire le rousl. Ensuite, l'auteur il dit قال تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا الآية. Ici, il cite la preuve hein, que celui qui est en état de janaba, de grande impureté parce que le mani est sorti ou parce que hein, les deux circoncisions se sont rencontrées, hein, le Allah SWT a dit et si vous êtes en état de grande impureté, hein, de janaba, alors purifiez-vous. Ça, c'est la preuve pour la, la première chose qui oblige quoi ? Le rousl. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. Là maintenant, il cite la preuve dans le Coran de quoi ? De la femme qui a ses règles et ses lochis, qu'elle doit se purifier du grand rousl. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sens approché, hein, et ne les approchez pas. Qui ? Les femmes qui ont eu leurs menstrues, jusqu'à qu'elles deviennent pures. Et si elles sont deviennent pures, alors hein, venez à elles hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala ou de la manière que Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné. D'accord ? Donc ici c'est une preuve du Coran que quoi ? Que la femme qui devient pure après ses lochis ou ses menstrues, hein, alors elle doit se faire le grand ghusl. Wa qad amara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil ghusl min taghsil al-mayyit. Ah, autre grand sujet hein, de ce soir, c'est hein, que il a ici l'auteur du livre, il dit, ça c'est l'avis de l'auteur, que le prophète a ordonné le ghusl à celui qui lave le mort. À celui qui lave le mort. Hein? Donc celui qui lave le mort, le prophète ici, selon l'auteur, il lui a ordonné hein, de faire le grand ghusl. De faire, bon, faire le ghusl, c'est-à-dire le grand lavage. On avait déjà parlé la semaine dernière. Rappelez-vous un petit peu, on va en parler aujourd'hui. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغسل من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب. Mais ce qui est juste, hein, c'est que le fait de laver le mort ne rend pas le ghusl obligatoire mais recommandé. وهو قول ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن. On fait avec les Sahaba. Et ça, c'est l'avis de qui ? De Abdullah ibn Abbas. Radiallahu anhum. De Abdullah ibn Umar, hein, parmi les deux grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, parmi les savants des compagnons. Aïcha, la savante de cette communauté, Umul Mu'minin, la mère des croyants, notre mère Aïcha bint Siddiq, radiyallahu anhuma, wal Hassan al-Basri, chez Tabi'in. Hein, chez ceux qui ont suivi les compagnons, c'est aussi l'avis de Hassan al-Basri, wa Ibrahim al-Nakhai, hein, wa Shafi'i, wa Ahmed, wa Ishaq, wa Abu Thur, wa Ibn Munzir, wa Ashab al-Ray, wa Rajahahu ibn Qudama. Tous ces savants, hein, tous ces imams hein, de l'islam voient l'avis. Hein, j'aimerais bien parler de chacun d'entre eux, mais on ne pourra pas finir si on le fait. Mais hein, vous comprenez que c'est un avis hein, qui est très répandu chez les savants et qui est le fait que c'est seulement recommandé et non obligatoire de faire le ghusl si hein, vous lavez le mort. Et on va parler du lavage du mort en détail dans Kitab al-Janaiz, hein, Inch'Allah. Et on a fait un cours ici, rappelez-vous, il y a quelques mois hein, sur comment laver le mort. Et j'espère que Bi'idhnillah un jour pourra faire un jour même mettre ça en pratique, Inch'Allah. Pourquoi ils disent que c'est mustahab ? قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ويستحب لمن أهل غسله أي غسل ميتان أن يغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتان فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه أبو داود والترمذي. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى dit qu'il est recommandé donc pour celui qui lave le mort de faire le ghusl. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Celui qui lave un mort alors qu'il se lave et celui qui le porte alors qu'il fasse les ablutions » comme on l'a vu la semaine dernière. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Ensuite, Shir al-Bani, il mentionne hein, tous ceux qui ont authentifié le hadith. Hein, Ibn al-Qayyim, al-Hafid ibn Hajar et autres parmi hein, les savants de l'islam et du hadith. On va juste passer la parole de Shir sur l'authenticité du hadith. Le hadith est authentique. Taïeb, vous allez dire « Wa dhahil al-amr yufid al-wujub » Vous allez me dire, mais là le prophète il a ordonné dans ce hadith de laver. Il dit, celui qui lave un mort alors qu'il se lave. Et vous savez qu'en islam, al-amr, yaqtadi, al-wujub. En islam, l'ordre, l'impératif implique quoi? L'obligation. Si dans le Coran, dans la sunna, on voit un ordre, c'est un impératif, hein? Alors ça implique l'obligation. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Le prophète a dit, priez, impératif, comme vous m'avez vu prier. Est-ce que c'est prier de faire une prière différente du prophète? Non, interdit. Sauf hein, cette règle, l'obligation, l'impératif ou l'ordre implique l'obligation, hein, cette règle, elle est valable, excepté si un texte du Coran ou de la Sunna authentique vient spécifier que ceci n'est pas obligatoire mais recommandé. Vous comprenez, hein? C'est un peu technique, mais celui qui suit, Inch'Allah, il n'est pas perdu. وَإِنَّمَا لَمْ نَقُلْ بِهِ لِحَدِثَيْنِ مَوْقُوفَيْنِ لَهُمَا حُكْمُ الرَّفْعِ. Mais Cheikh Al-Albani dit, mais nous ne disons pas que c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a deux hadiths, hein, de sahaba, mais qui ont le jugement, hein, de, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui viennent montrer que ce n'est pas obligatoire mais recommandé. C'est quoi ces hadiths? Hadith le premier de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qui a dit laysa alaykum fi ghusli mayyitikum ghusl idha ghasaltumuhu fa in mayyitakum laysa binajis fa hasbukum an taghsilu aydiyakum. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il a dit, hein, il ne vous est pas obligatoire pour le lavage d'un de vos morts de faire le grand lavage, le ghusl. Si vous lavez un mort, hein, sachez que vos morts ne sont pas impurs, ne sont pas najis. Alors il vous suffit de laver vos mains. Il suffit de laver vos mains, hein, comme l'a rapporté Al-Hakim Al-Bayhaqi. Hein, au début, Cheikh Al-Albani avait dit ce hadith, il est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Albani, vous savez que Cheikh Al-Albani, c'était sa spécialité, le hadith. L'imam du hadith de notre époque. Et même, vous pouvez trouver deux gros volumes comme ça. Tous les hadiths que Cheikh Al-Albani a changé d'avis durant sa vie. C'est-à-dire des hadiths qu'il avait rendus faibles à un moment de sa vie. Ensuite, après, il s'est rendu compte qu'ils étaient authentiques. Et les hadiths qu'il avait jugés authentiques à un moment de sa vie. Et après, quand il a avancé dans la science ou dans ses recherches, il s'est rendu compte qu'ils étaient faible, non authentique, d'accord. Et donc ici, ce hadith, c'était ça. Au début, il avait vu qu'il était authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après des recherches, etc., il s'est rendu compte que ce hadith, en fait, il est de Abdullah ibn Abbas et pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, hein, il reste une preuve, hein, c'est la parole d'Abdullah ibn Abbas, qui est un des grands compagnons parmi les savants des compagnons. Mais le deuxième hadith également vient confirmer encore cela. C'est le hadith de qui? De Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Kunna nughassilul mayyit fa minna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Wa akhrajahu ad-Dharqutni wa al-Khatib fi tarikhihi bi isnadin sahih kama qala al-Hafiz wa ashara ila dhalika al-Imam Ahmad faqad rawa al-Khatib anhu annahu hadda ibnahu ala kitabati hadha al-hadith. Deuxième hadith, hadith de Abdullah ibn Umar qui mentionne radiyallahu anhuma, lorsque nous lavions les morts, certains d'entre nous faisaient le grand lavage et certains d'entre nous ne faisaient pas le grand lavage. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Que ce n'est pas obligatoire, mais recommandé. Et ce hadith est rapporté par Ad-Darqutni, également Al-Khatib. C'est qui Al-Khatib? Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi qui est mort en 463. Hein? Et l'imam Ahmed a authentifié ce hadith également, hein, comme il est mentionné qu'il incitait son fils, hein, à écrire ce hadith. Ça veut dire qu'il était authentique, comme l'a rapporté Al-Khatib également. Donc le khulasa, pour résumer, hein, le lavage du mort ne rend pas obligatoire le ghusl, mais rend, hein, ou plutôt c'est recommandé. Donc ce qui rend obligatoire le ghusl, hein, on a dit quoi? Al-janaba, lorsque le mani sort, que ça soit par un rapport intime ou non. hein, lorsque les deux circoncisions se rencontrent, hein, qu'il y ait la sortie du mani ou non. On l'a dit ça en détail. Également, on a dit quoi? Anam, al-hayd wa nifas, yani les menstrues et les lochis. Hein, et pour celui qui se convertit à l'islam. D'accord? Quant à celui qui lave le mort, on a dit que c'est recommandé. Wa amara man aslama an yartasila. Ici, hein, le shir, il dit, il a ordonné celui qui se convertit, hein, de se laver. Il fait référence au hadith de Thumama, également au hadith de qui? De Qais ibn Asim. D'accord? Wa amma sifatu rusli nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-janaba. Il reste combien de temps? 5 minutes, on peut le faire, inshallah. Maintenant, il va décrire comment on fait le rusl. Fakana yarsilu farjahu awwalan. Là, le shir, il résume. Il résume. Il dit, premièrement, il nettoyait ses parties intimes. Premièrement, il nettoyait ses parties intimes, sallallahu alayhi wa sallam. Avant ça, il y a une sunna, c'est quoi? Laver ses mains 3 fois. Parmi la sunna, avant le rousse, on lave ses mains 3 fois. D'accord? Ensuite, on prend la main, l'eau dans la main droite, on met l'eau dans la main gauche et on lave ses parties intimes. Car vous savez qu'on n'a pas le droit de toucher les parties intimes avec la main droite. Il n'y a pas de différence entre homme et femme. ثم يتوضا وضوءا كاملا. Ensuite, il fait le wudu, hein, il fait les ablutions complètes, comme les ablutions de la prière, comme les ablutions de la prière. ثم يحفي الماء على رأسه ثلاثا يلويه بذلك. Ensuite, il déverse de l'eau sur sa tête 3 fois et il, hein, verse l'eau sur son crâne et il, hein, fait pénétrer l'eau afin qu'il touche quoi? Le cuir chevelu, la racine des cheveux. D'accord? Ça, c'était après les ablutions. Entre ça, entre le fait de mettre l'eau sur les cheveux et les ablutions avant cela, il y a une sunna, c'est quoi? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, essuyait, astaghfirullah. Avant les ablutions et après avoir lavé ses parties intimes, il y a une sunna qui n'est pas mentionnée ici. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, essuyait ses mains 3 fois sur le sol. Donc les ulama ont dit, hein, parmi la sunna, une fois que vous avez lavé vos mains, vous frottez vos mains 3 fois sur le sol ou sur le mur, Yanni, hein, ou sur le mur. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, ils n'avaient pas de mur. Ils se lavaient où? À l'abri des regards, derrière une pierre, derrière un arbre. Ils n'avaient pas une pièce qui est une salle de bain, etc. D'accord? Al-Muhim. ثم يفيض الماء على سائر جسده. Ensuite, il verse l'eau sur tout son corps. Il verse l'eau sur tout son corps. D'accord? Après avoir lavé ses cheveux. Et la sunna, c'est de commencer par le côté droit. Par le côté droit. Et attention aux innovations. Hein? Dans certains pays, il est répandu, hein, que quoi? Quand tu verses l'eau sur ton corps, tu dois faire 7 fois le tour de ton nombril. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Je ne sais pas s'il y a ça ici. Non? Non, vous n'avez jamais entendu? Alhamdulillah. Dans certains pays, il dit tu dois faire 7 fois le tour de ton nombril quand tu fais le rousl. Hein? Ça, ce n'est pas, fait pas partie de la sunna, c'est une innovation en islam. Et dit thumma yaghsilu rijlayhi bi mahalli akhar. Ensuite, il dit et il lave ses pieds. Il lave ses pieds tout à la fin. D'accord? Et ça, hein, fi sifat al-ghusl an yu'akhir rijlayhi. Fayabda'u bi ghusl bi ghusli aw bi ghasli farjihi thumma yatawadda wa idha wasala ila al-qadamayn yu'akhiruha. La yaghsiluha thumma yaghsil ra'sahu thumma yasubbu al-ma'a 'ala jasadihi thumma yaghsil rijlayhi. Naam, il est rapporté dans des hadiths concernant la description du grand lavage que le prophète il lavait ses parties intimes, ensuite il faisait les ablutions mais il faisait pas les pieds. Il faisait les ablutions normales sauf les pieds. Ensuite il versait de l'eau sur sa tête, il lavait son corps et à la fin il lavait ses pieds. Les deux ont été rapportés. D'accord? Donc tu peux laver tes pieds pendant les ablutions que tu fais dans le rousse, ou tu peux retarder le lavage des pieds jusqu'à, hein, jusqu'à la fin des ablutions. Certains ulémas ont mentionné que la sagesse de ceci, c'est que eux ils se lavaient dans quoi? Il y avait du sable, de la terre par terre. Donc quand ils avaient fini leur sable, leurs pieds étaient, hein, il y avait du sable ou de la terre. Donc en lavant 3 fois tes pieds à la fin, tu lavais ses pieds, hein, et tu enlevais le sable et la terre. Alors qu'à notre époque, hein, on est dans les salles de bain avec le céramique, hein, le carrelage, etc. On n'a pas ce problème. Donc c'est pour ça que certains ils ont dit, à notre époque, Yanni, c'est pas la peine de les laisser à la fin. Al-Muhim, celui qui le laisse à la fin, c'est une sunna. Une sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'accord. Et donc, hein, il est bien de le faire. Naam. Et il veut dire autre que dans les ablutions qu'il a fait avant. Bimahallin akhar, un autre endroit que cela fait avant. Parce que lui il a dit quoi? Thumma yatawadda wudu an kamilan. Lui il voit, tu fais le wudu avec les pieds et à la fin tu refais les pieds. Voilà, dans un autre moment du ghusl. D'autres ont dit pendant les ablutions, on retarde le lavage des pieds à la fin. Donc en fait, il y a trois façons. Soit tu fais avec tes pieds les ablutions pendant le roust et à la fin, il n'y a pas besoin de le refaire. Soit tu retardes jusqu'à la fin, hein, et tu les fais et tu laves à la fin. Soit tu les fais pendant les ablutions et tu relaves à la fin. Taïeb, fais l'adhan et on va finir. Pas beaucoup, on va finir, Inch'Allah. Ensuite, l'auteur il dit: وَالْفَرْضُ مِنْ هَذَا غَسْلُ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَمَا تَحْتَ الشُّعُورِ الْخَفِيفَ وَالْكَثِيفَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Il dit: ce qui est obligatoire, c'est-à-dire le minimum, hein, dans le ghusl, c'est de laver l'ensemble du corps et ce qu'il y a sous, hein, les poils, qu'ils soient peu ou qu'ils soient nombreux. Hein, les gens sont différents dans la pilosité. Hein. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Ici, l'auteur veut mentionner quoi? Que le ghusl, il y a deux façons de le faire. Al-Ghusl al-Mujzi ou Al-Ghusl al-Kamil. On va résumer. Et ça, c'est important, mes frères. Là, il y a des musulmans, pendant 80 ans de leur vie, ils savent pas, ils ne connaissent pas le ghusl. Ils ont des rapports avec leurs épouses, hein, ils ont, les femmes, elles ont leur menstrues, elles ne savent pas qu'elles doivent se laver ou la façon qu'elles doivent se laver. Imaginez-vous, toute leur vie, sont en état de janab à des musulmans. Dû à quoi? Al-Jahl, à l'ignorance. Donc, c'est important de connaître ces sujets et de les enseigner. Donc le ghusl est de deux façons. Le ghusl minimum, obligatoire, al-mujzi, c'est le minimum. C'est quoi? Tu mets la niya, c'est obligé, l'intention. Et l'intention elle est où? Dans le cœur. Tu mets l'intention de te purifier, de te purifier de la grande impureté et tu te laves entièrement, tu verses de l'eau, c'est tout. Tu verses l'eau et certains ont dit, hein, tu n'oublies pas le madmada al-istinshaq. Hein, tu mets l'eau dans ta bouche et dans ton nez et tu t'es enlevé l'état d'impureté. Il est rapporté que certains sahaba, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient vers la mer, et en état de janaba, bismillah, ils plongent dans la mer. Hein? Et ensuite, ils étaient en état, hein, ils avaient enlevé la grande impureté. Taïeb, celui qui fait ça, est-ce qu'il peut prier après? Celui qui fait ça, il ne peut pas prier, parce qu'il n'a pas les ablutions. Il a enlevé l'état d'impureté majeure dans laquelle il était. Naam, il n'est plus en janaba. Mais est-ce qu'il est pur pour la prière? Non, il doit faire les ablutions. Il a juste, hein, il s'est juste lavé. D'accord? Parce que c'est le ghusl, yani, le strict minimum qu'on pourrait dire. Et ensuite, il y a le ghusl kamil, yani, le ghusl complet, avec les obligations et les sunan. Et comme on l'a cité, on lave trois fois ses mains. Ensuite, on lave ses parties intimes. Ensuite, on peut essuyer ses mains sur le sol ou sur le mur. Ensuite, on fait les ablutions comme dans la prière. Ensuite, on met de l'eau sur sa tête. Hein, et on fait bien pénétrer l'eau dans le cuir chevelu, d'accord, hein, et ensuite on passe l'eau trois fois sur la tête, on lave le côté droit, on lave le côté gauche, hein, et comme on a vu dans certaines versions, on finit par les pieds. Ça c'est le rousse complet. Et là je peux prier après ou pas? Non, là je peux prier, j'ai fait les ablutions, donc là j'ai enlevé la grande impureté et en plus j'ai enlevé la petite impureté et je suis prêt pour la prière, d'accord. Donc ça c'est le résumé concernant le ghusl. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naam.